Pour ce qui est du clash de la drague, on va attendre un petit peu. Là, ça va peut-être pas. T'es stressé, Romano, je te sens ce soir. C'est qu'il est en panique là.